Depuis la semaine passée, on parle beaucoup des rénovations au centre Georges Vézina qui devraient commencer incessamment. Mais il y a des gens, dont entre autres Marc Saint-Hilaire du Journal du Quotidien, Phil Desgagnés a donné l'appui également. Et hier, Richard Martel en a rajouté. Il mentionne, au lieu d'avoir des rénovations, pourquoi ne pas bâtir un nouvel amphithéâtre? Et j'avais hâte de voir les réactions des gens des Saguenay-Lac-Chicoutimi face à tout je dirais pas débat, mais au moins ces discussions-là qui se sont enclenchées. Quoi qu'il en soit, on parle avec le président des Saguenay, Richard Letourneau. Bonjour, Richard. Bonjour, M. Veilleux, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Richard, qu'est-ce qu'on dit? J'imagine que tu as pris connaissance de ce qui s'est dit au cours des derniers jours. Est-ce que du côté des Saguenayens, comment qu'on voit ça? Est-ce qu'on aimerait mieux y aller pour je dirais, des rénovations ou tout simplement y aller pour un nouvel amphithéâtre? Bon, écoutez, dans un premier temps, c'est important de dire qu'il n'y a rien de ficelé là, au niveau du Saint-Georges. C'est-à-dire que oui, M. le maire a rencontré les gens du provincial, M. Couillard, puis effectivement, il y a un projet de rénovation qui est dans les airs, mais je veux dire, on n'en a pas entendu parler, ou la mairie n'en a pas, l'hôtel de ville n'en a pas entendu parler depuis plusieurs mois. Donc, ça en partant, là. Bon. Mais par contre, c'est bien sûr que moi, personnellement, si vous demandez aux Saguenayens, c'est sûr que moi, entre rien avoir puis avoir un projet de rénovation, c'est sûr que je vais être intéressé au projet de rénovation. Si par la suite, on me dit, ben, c'est pas un projet de rénovation que vous allez avoir, c'est un projet d'aréna neuf. Ben, c'est bien sûr que je vais être content aussi, je vais être encore plus content. Mais je pense que ce débat-là, nous autres, l'année passée, quand M. le maire en a parlé, effectivement, il nous a rencontrés pour nous demander notre avis. Et par la suite, ben, il a sorti publiquement par rapport à ça. Mais pour le reste, nous, officiellement, la mairie nous a pas parlé. Donc, tout ce qui sort présentement de ce que M. Saint-Hilaire a sorti il y a 15 jours, M. Desgagnés a sorti la semaine passée, ben, effectivement, c'est des choses logiques. Maintenant, pour le reste, nous, on contrôle pas ça. Puis on a décidé qu'on s'en mêlerait pas. On s'en mêlerait pas officiellement parce que nous, on est, oui, c'est vrai qu'on est les principaux locataires, mais je veux dire, c'est un débat qui est pas à notre niveau. Si on demande notre avis, oui, c'est sûr qu'on va le donner. On l'a donné d'ailleurs déjà. Mais pour le reste, ben, c'est des choses qu'on contrôle pas. Puis on va laisser les gens qui contrôlent faire leur travail par rapport à ça. Donc, Richard Letourneau, président des Saguenay-Lac-Chicoutimi, il y a d'autres chats à fouetter que d'essayer d'avoir une nouvelle amphithéâtre. C'est ça Pas ça que j'ai dit. OK. Non, c'est surtout pas ça que j'ai dit. C'est parce Ouais. que ce que je dis, dans le fond, c'est que moi, Richard Letourneau, à titre de président des Saguenayens, je peux pas aller voir la ville puis dire, regarde, c'est pas un projet de rénovation de 30 millions qu'on veut, c'est un projet de 50 ou 60 millions. C'est ça que je dis. Puis je peux pas aller voir la ville puis dire demain matin, j'exige d'avoir des rénovations. Tu comprends? C'est ça que je veux dire. C'est pas du tout la même affaire. La journée que l'hôtel de ville va, parce que j'ose croire que la journée que ça va être officialisé, qu'ils vont nous aviser, là, effectivement, on va s'asseoir avec eux autres, puis on va travailler de pair avec eux autres, c'est bien sûr. Mais entre-temps, quand même, si là, j'essayais de dire, ben écoute, on fait quoi comme rénovation, on fait quoi comme ci, puis on fait quoi comme ça, on sait même pas c'est quoi les budgets qui vont être autorisés, on sait absolument rien. C'est ça que je dis, là. Puis je veux dire, est-ce que ce projet-là va sortir dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, on ne le sait pas. Comprenez-vous? Parce que ça, c'est sûr que ça, c'est un projet qui se fait ce qu'on appelle tripartite, là, c'est-à-dire 30, le 30, 30. provincial, il y a possiblement le fédéral et le municipal. Donc, je veux dire, on va laisser faire. C'est pour ça que je dis que je peux pas commencer à moi-même aller voir le municipal puis dire, bon, ben écoute, on va aller voir ensemble le provincial, puis on va aller voir ensemble le fédéral. Je pense que c'est pas chacun. Il y a des Donc. gens qui travaillent le dossier. On va les laisser faire. Mais c'est sûr que moi, si demain matin, ils me demandent mon avis, je vais leur donner notre avis, pas mon avis personnel, mais je vais donner l'avis officiel des Saguenayens. Puis c'est sûr qu'on va travailler avec eux autres. Mais ce que je dis, c'est qu'on peut pas présentement prendre le bâton de pèlerin avant de savoir quand est-ce qu'il va avoir une nouvelle, il va sortir par rapport à ça. Donc, ce serait peut-être un débat à la place. Il faut que ça vienne du côté de la municipalité. C'est la municipalité que si jamais c'est la municipalité qui dit, au lieu de dire on y va pas pour des rénovations, mais on va y aller pour une construction d'un nouvel amphithéâtre. Il faut que ça vienne de la municipalité, c'est ça? C'est ça que vous me dites à peu près? C'est ça. Puis moi, moi, ce que je dis, dans le fond, puis je pense que la ville, quand ça va être le temps, écoute, tu sais, on a quand même des excellents professionnels à l'Hôtel de Ville. Quand ça va être le temps de s'asseoir puis dire OK, on a une enveloppe, est-ce que ça vaut la peine de rénover ou on est mieux de faire autre chose? Ben, j'imagine que là, qu'ils vont s'asseoir puis qu'ils vont prendre, ils vont dire OK, on a un aréna qui ça fait 70 ans qu'il y existe. Si on fait ce genre de travaux-là, est-ce que par la suite on est garanti encore pour un autre 70 ans ou dans 20 ans, la structure interne est à refaire? J'imagine qu'ils vont le faire ce travail-là. Je me vois mal là aller frapper à l'Hôtel de Ville et dire avez-vous pensé à ça? Bon, moi, je pense que c'est pas, ils vont, je serais mal à l'aise de faire ça. Là. Richard Martel disait hier que dans les à Radio X Saguenay, disait que non seulement des rénovations, mais la construction d'un nouvel amphithéâtre donnait un boost à un nouveau souffle à l'organisation de hockey junior majeur. Certainement que ça serait le bienvenu là, d'avoir un nouvel amphithéâtre. Là. Vous l'avez dit tantôt, Richard, ce serait quelque chose de très, très bien qui pourrait lancer comme il faut le centre Georges Vézina et les Saguenay. Ah, ben c'est sûr. Écoutez, ça reste juste le projet de rénovation, parce que le projet de rénovation qu'il y a sur table, là, 25 ou 30 ou 30 millions, il y a quand même beaucoup de choses qui se font. Donc, en termes de loges, les loges vont être triplerées. Ouais. Faire quelque chose. Là. Déjà, en partant, ça serait drôlement intéressant, mais c'est sûr que ce soit une rénovation ou un aréna neuf, c'est sûr que ça, je suis entièrement d'accord avec M. Martel. C'est-à-dire qu'il y aurait un boost. C'est sûr que ça donnerait un nouvel air d'aller à l'organisation. On a juste à voir qu'est-ce qui se passe à Shawinigan avec leur aréna neuf. Ça fait déjà quelques années qu'ils ont leur aréna neuf, puis ça leur a donné immédiatement une augmentation de clientèle. Puis par la suite, ben comme pour tout nouveau commerce, tu fais de la publicité pour faire rentrer ton monde. Après ça, c'est à toi de t'organiser pour le garder. La même affaire l'année passée avec le centre Vidéotron. Le centre Vidéotron, l'année passée, trouver une équipe junior qui met 20 000 personnes dans son aréna parce que tu as besoin d'avoir un aréna neuf pour faire ou un nouvel aréna pour faire ce genre de choses-là. Mais effectivement, pour donner un boost, oui, je suis d'accord avec toi à 150%. Est-ce que le patinage de vitesse et la glace olympique, ça fait vraiment votre affaire? Écoutez, si moi... Là, c'est une bonne question, si je te pose. Demandez, ouais, c'est parce que... Puis je veux dire, je voudrais surtout pas mal être mal interprété. C'est-à-dire que si on me dit, Richard, faut que tu fonctionnes avec une glace olympique, je vais fonctionner avec une glace olympique. Si on me dit maintenant, ben écoute, là, Richard, t'as le choix de pas avoir de glace olympique, ben je vais vous dire qu'on est la seule équipe junior au Canada qui joue sur une glace olympique. Ça crée... puis avec nos gars de hockey... on se dit qu'on est obligé de il y a des choses qu'il faut prévoir en termes de recrutement parce que c'est pas le même style de hockey qui joue. Je pense que vous-même, Danny, à titre de spécialiste au niveau hockey, vous le savez, là, c'est pas tout à fait le même genre de hockey qui joue entre une glace olympique et une glace nord-américaine. Le jeu est beaucoup plus réactif, le jeu est beaucoup plus intense et rapide sur une petite glace que sur une grosse glace. L'espace est moins grand, puis effectivement, statistiquement, ça donne plus de buts sur une petite patinoire, puis le jeu est beaucoup plus intense sur une petite patinoire. Et puis juste pour vous dire, quand on est au moins une semaine sans aller jouer à l'extérieur, ben faut au moins faire une pratique sur une petite patinoire pour que les joueurs soient capables de reprendre leur repère. Fait que, oui, c'est sûr que si vous me dites... Richard, tu vas avoir un aréna neuf, mais pour avoir ton aréna neuf, il faut que tu gardes ta glace olympique. C'est correct, je vais garder la glace olympique. Mais si on me donne le choix, c'est bien sûr que c'est pas nécessairement évident, comme je vous dis, quand on est le seul club au Canada là, qui fonctionne avec une personne. C'est très clair. Richard, comment ça va les... Mais, comme je vous dis, c'est pas à moi à faire des exigences par rapport à ça. Là. Je vais travailler avec ce que les gens me donnent. Oui, c'est clair. Est-ce que le fait que... Mais tu vois quand même d'un bon oeil, pareil, que ça se parle, que ça se continue à se parler, là. Ah, ben c'est sûr que c'est intéressant. C'est sûr que... Écoutez, on voit que, puis je veux dire, moi, je suis content avec qu'est-ce qui s'est passé à Gatineau, là. Écoutez, à Gatineau, ça fait des années qu'ils demandaient un aréna, puis que c'était dans les airs, patata, patata. Ben là, c'est fait, c'est réglé, bravo, je suis content pour eux autres. Puis effectivement, ben plus on en parle, ben plus les gens vont se faire une idée à ça, puis plus l'idée se fait, ben plus après ça que t'es capable de prendre une décision éclairée. Là. Ouais, effectivement. Comment ça va du côté des assistants? Content de voir que l'arrivée de Routsoff a aidé beaucoup les tourniquets? Oui, content de l'assistance parce que oui, effectivement, on commence quand même au pied de l'échelle. Hein, puis, effectivement, on va finir l'année avec, je vous dirais, quelques milliers de personnes de plus que l'année passée. On pense que on va avoir du jeu intéressant pour les séries. Ouais. Même les quatre, il nous reste cinq matchs à jouer là, à domicile, là, puis on s'attend à avoir sur les cinq matchs, peut-être pas ce soir parce que c'est un soir de semaine. Mais t'as Samuel Girard, t'as déjà 200 personnes de plus avec Samuel Girard. Ouais, c'est ça. Écoutez, la prévente n'était pas mauvaise hier. On s'attend ce soir, si on avait au-delà de 2500 personnes ce soir, on serait content. Puis par la suite, pour les quatre autres matchs qui nous restent, soit deux matchs en fin de semaine, puis deux autres matchs la semaine prochaine, on s'attend d'avoir dans les quatre autres matchs au moins deux matchs à 3000 personnes et plus. Oui, effectivement, là, je pense qu'on va être prêt pour des séries là, en termes de. Les partisans vont être prêts. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on en entend de plus en plus parler aussi en ville. Là. Puis les gens commencent à s'attacher à partir de leur club. Il y a eu une affaire Routsoff, hein? Ben, c'est sûr qu'écoutez, ouais. Quand on parle d'un joueur qui... je peux vous dire que, c'est pas moi qui le dis, c'est les journalistes, là, un gars comme Serge Raymond, qui ça fait au-delà de 30 ans qui suit les Saguenayens, là, c'était le premier à dire que c'était peut-être le joueur à porter les couleurs des Saguenayens dont on a entendu le plus parler avant qu'il porte le gilet la première fois. Oui, c'est vrai, ça, ouais. Il y avait un aura qui, par rapport à ça. Puis effectivement, faut y laisser le temps de prendre ses repères. Puis ce qui est de valeur, c'est qu'à toutes les fois qu'il commençait à prendre ses repères, une blessure l'a sorti du jeu. Mais je suis pas inquiète là que quand ça va compter, qu'il va être prêt, là, c'est-à-dire à partir de ce soir. OK. Donc, Richard Letourneau ne prendra pas le bâton du pèlerin. Il s'en remet à la municipalité pour le dossier du Saint-Georges Vézina. C'est à peu près ça que c'est à peu près quand je suis pas sûr. Ouais, puis je veux dire, par contre, quand on me fera signe, l'organisation sera prête à donner un coup de main. Bon, ben merci beaucoup, Richard Letourneau. J'avais hâte d'avoir des commentaires de Richard Letourneau là-dessus pour savoir, parce que ça en a parlé beaucoup la semaine passée. Je pense qu'il y a un travail quand même à faire du côté peut-être des gens qui veulent pousser le projet encore de nouvelles affiliates. Il faut qu'ils continuent à travailler là-dessus. Moi, c'est la manière que je peux voir un peu. C'est ça. Richard Letourneau, le président des Saguenayens de Chicoutimi.